Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 25 août le décret numéro 1269 sur le décernement des titres d'honneur, ordres et médailles aux personnes qui ont accompli de grands exploits à la construction de la centrale numéro 3 des jeunes héros Paektusan. Selon le décret, 14 personnes ont reçu le titre de héros du travail, 22 personnes le titre d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse, 25 personnes le titre d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse. Ensuite, autres titres d'honneur, ordres et médailles ont été conférés aux nombreux cadres, commandants et membres de la troupe de choc de la jeunesse, et autres bâtisseurs, aux cadres, scientifiques, techniciens et ouvriers qui ont contribué à la production des équipements sur commande, à l'approvisionnement en matériaux et au transport.